Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Podcast Science, épisode numéro 27. Alors aujourd'hui avec l'équipe au complet, c'est-à-dire le professeur Phone, Antoine et Lia. Bonjour à vous tous. Salut tout le Bonjour. monde. Bonjour. Voilà, donc on est quatre pour ce podcast. Ça va être sympa. On va peut-être commencer, avant de rentrer dans le vif des dossiers, on va commencer avec les petites news Facebook de la semaine. Qu'est-ce que vous en pensez? Ah ouais, moi Ouais, j'adore ça. toujours les petites news. Ok. Alors bon, bah comme d'habitude, on nous a publié plein de petites news sur notre page Facebook. Alors pour commencer, il y a un article qui a été envoyé par Olivier Tripet, qui est paru dans le journal suisse Le Matin, intitulé « Ils sont fous, ces savants ». Donc le journaliste s'est amusé à faire un tour d'horizon des savants fous de notre histoire, d'Archimède à nos jours. Je ne sais pas si vous avez l'occasion de lire, il y a des petites anecdotes sur la folie des différents savants et grands scientifiques de l'histoire. C'est un article amusant. Ouais, j'avais regardé au moment où il l'a partagé, mais j'avoue que j'ai déjà un petit peu oublié. Bon, on mettra le lien est sur le site, ce sera l'occasion de le relire. Sinon, on a aussi Eric Noël qui a partagé une vidéo qui nous montre comment faire scintiller des fleurs dans l'obscurité à la lumière ultraviolette en utilisant un colorant fluorescent. C'est assez Ouais. impressionnant. Bah là, sur ce coup-là, il m'a grillé parce que c'était censé être la prochaine expérience de C'est pas faux, en fait. Ah, flûte! Non, mais c'est pas grave, de toute façon je la ferai quand même, mais allez la voir, la vidéo, parce que c'est vraiment super sympa et ça donne le plus bel effet. Ouais, puis il fait ça avec un stabiloboss en fait. Ouais, Ouais, avec l'encre d'un stabiloboss. un fluo, ouais. Ouais, avec du Donc, matériel maison, hein. Il y a pas besoin ouais, totalement de maison. grands instruments et de gros matériel. C'est ça qui me plaisait dans l'expérience, quoi, donc c'est super sympa. Sinon, alors bon, une découverte un peu controversée. Un scientifique de la NASA aurait découvert une preuve de vie extraterrestre sur des restes de météorites. Ah, de nouveau. De nouveau, il s'agirait de fossiles démontrant l'existence de vie bactérienne hors de la planète Terre. Alors, bah voilà, une étude un peu controversée par la communauté scientifique et à prendre vraiment avec des pincettes. Ouais, ça devient un peu une habitude ces temps Ouais. à la NASA d'annoncer des trucs avant qu'ils soient vérifiés. Ouais, mais attention, c'est même pas la NASA, comme je vais le dire. En fait, bon, cette annonce, d'une part, relance chez certains l'idée, les fantasmes que la vie sur Terre ne serait peut-être pas apparue d'elle-même, mais aurait comme origine des microbactéries présentes dans des comètes, des météorites et dans la poussière interstellaire, et ces microbactéries auraient fécondé notre planète. Alors, ce qu'il faut savoir sur cette étude, c'est que la recherche n'a pas été effectuée par la NASA, mais par un astrobiologiste de la NASA à titre personnel. Déjà pour Genre, commencer. il s'embêtait le week-end et hop, Ouais. s'est dit, tiens, on va aller chercher la vie sur les météorites. Ouais, ou il était peut-être en manque de reconnaissance, je sais pas. En plus, cette recherche, elle a été originellement publiée dans une obscure revue en ligne qui s'appelle Journal of Cosmology, qui n'est absolument pas une référence en termes de publication d'études scientifiques et dont on méconnaît totalement la procédure de révision. Eh ben, dis donc. Cette revue en ligne est éditée par une personne qui s'appelle, bon, un nom un peu compliqué, Chandra Vikramasinghe, je ne sais pas très bien comment on prononce, qui est un grand défenseur de la théorie de la panspermie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de cette théorie. C'est une théorie qui affirme que la Terre aurait été justement fécondée de l'extérieur par des moyens extraterrestres. Oui, par une météorite, par exemple, Par qui tombe exemple, avec. exactement. Et d'autre part, il semblerait que cette revue va fermer d'ici quelques semaines. Donc on peut se demander aussi si c'est un dernier coup de pub pour essayer de sauver la face de la part de cette revue. Et aussi dans l'article dans lequel cette recherche a été publiée, le chercheur accuse avec un ton un peu conspirationniste l'orthodoxie scientifique de ne pas accepter les preuves de sa découverte. On commence à connaître le discours là. Ça me rappelle un petit dossier de Ouais. toi, professeur Fun, sur le denialisme scientifique. Donc bon, on va la mettre en parenthèse, cette recherche, et on en reparlera dans 6 mois ou dans quelques mois s'il y a du nouveau. Mais pour Ouais, l'instant. ou jamais si ça se trouve. Bon, en tout cas, t'as mené l'enquête là. Ouais, j'ai mené l'enquête parce que bon, moi, ces grosses annonces tonitruantes, là, je me méfie de plus en plus. Si... Je pense que c'est le. Ouais, juste pour te couper, désolé. Je pense que c'est le nouveau réflexe à avoir quand même, de vraiment attendre de faire sa propre enquête, parce que ça arrive de plus en plus fréquemment. Enfin, depuis qu'on fait Podcast Science, c'est pas la première fois que ça arrive, hein, Non, non, c'est ce pas la genre première fois. de truc hollywoodien, là, avec, et surtout avec les extraterrestres. Donc c'est pour ça, quoi. Ouais. Alors, bon, Ça va être la voilà. nouvelle mission de Mathieu, maintenant, la traque à la vérité. Voilà. Sinon, alors, voilà, une chose un peu plus intéressante, par contre, que Olivier Triplet nous avise d'un documentaire intitulé E est égal à MC carré, donc une biographie de l'équation. C'est un documentaire qui sera diffusé le samedi 12 mars 20h40 sur Arte. Donc Donc j'espère que demain, ouais. demain, j'espère que vous écoutez pas trop tard ce podcast et que vous aurez l'occasion de le visionner. Ben voilà, ce documentaire partira sur les traces de la plus célèbre équation du monde et des illustres scientifiques ont contribué à la faire éclore. Une odyssée au cœur de la science moderne. Très appétissant ce documentaire. J'espère que depuis l'Espagne, je vais avoir l'occasion de le voir. Je sais pas encore. On verra. On Sinon, te l'enregistrera si jamais. ben ouais, Y a pas de volontiers. problème. Parce que je crois que Arte, c'est quelque temps disponible sur le site, mais après, c'est Bah, plus disponible. de toute façon, Ouais, t'inquiète pendant pas, 7 hein. jours. Ouais, mais t'inquiète pas, j'ai une Freebox et je l'enregistre directement le flux, en fait. Ouais, ben volontiers. Moi, ça. Programmé, après je te le rip si tu veux, y a pas de problème. Volontiers. Ok. Voilà, c'est D'accord. sûr que ça, c'était vraiment un bon documentaire pour toi, quoi, Mathieu. Ouais, ça c'est tout à Là, c'est fait. pile dans ta cible. Exactement. Donc, Sinon, pour continuer avec les news Facebook, il y a Xavier Agnès qui a aussi partagé une découverte sur le cannibalisme guerrier de Gough's Cave, donc de la caverne de Gough. Une découverte pas très appétissante et qui a suscité pas mal de réactions amusées sur Facebook. Il s'agit en fait d'une découverte en Angleterre de trois crânes transformés en coupe à boire, datant de 15 000 ans, qui révèlent d'une part le savoir-faire de leurs artisans et d'autre part de pratiques cannibales. ouais, j'ajouterais aussi des goûts douteux en termes de vaisselle. Exactement. Ouais, allez lisez l'article, vous verrez, c'est pas piqué des hannetons. Excellent. Et pour terminer, Olivier Trippet à nouveau lui nous recommande un fil Twitter de Quantum Diaries qui nous parle de l'actualité récente quantique, donc de physique quantique avec des dernières nouvelles en provenance du Fermilab ou du LHC. Donc voilà, pour tous les passionnés de physique quantique, un nouveau fil Twitter à suivre. Excellent. On mettra tous les liens dans les notes de l'émission, bien sûr. Comme d'hab. Bon, ouais. En tout cas, merci à tout le monde, Olivier Tripet, Xavier Agnès, Eric Noël, Eric Noël, ouais. voilà, Formidable. qui a coupé l'herbe sous les pieds de Antoine. Ah ouais. Son prochain sujet de C'est pas Ouais, faux. ça arrive, hein. J'ai Ça vu que arrive. tu allais tourner ce week-end, non? Oui. Je tourne ce week-end le dernier épisode de la saison numéro 1 pour après de suite enchaîner avec la saison numéro 2. J'aime bien ce système de faire des saisons comme ça, et ça me permet de faire un peu appliquer le processus scientifique, toujours faire des erreurs et recommencer souvent. Voilà. Donc ce Et week-end. t'as une idée plus ou moins quand tu vas le publier déjà ou... Bah, d'habitude, quand je tourne le week-end, il me faut 3-4 jours de montage. Donc, on va dire pour le prochain podcast science, je pense. Ok, Je parfait. pourrais l'annoncer. Donc, ce sera parfait. Parfait, bon, on se Excellent. réjouit. Alors on va se lancer dans les dossiers, bon, on va commencer par toi, Antoine, non? T'as un bon petit sujet aujourd'hui. Ouais, un petit sujet qui va tous vous plaire, vous allez voir. Alors, en fait, d'abord, juste pour dire. Je vais situer un peu comment j'ai choisi ce dossier, une fois n'est pas coutume. Alors, en fait, je m'apprêtais à faire mon petit footing et je voulais joindre l'utile à l'agréable. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pioché dans les liens de Podcast Science, amoureusement formatés par Mathieu, pour trouver un podcast à écouter. Donc là, je suis tombé sur un podcast qui s'appelle La tête au carré et un épisode intitulé La bosse des maths. Et là, vous allez voir, ça a vraiment éveillé ma curiosité. Donc, après écoute, je vous conseille vivement cet épisode précis. Dont je me suis vraiment grandement inspiré pour mon dossier de ce soir. Je mettrai les liens, bien sûr, dans le dossier qui accompagnera le podcast. Donc, la bosse des maths, ça, c'est vraiment une expression qui est ancrée dans la langue française. Je ne sais pas si vous l'avez, vous, en Suisse. Un peu moins, je pense il que me semble. Si. Un peu moins? Un peu moins. Ouais, ça existe aussi. Ouais. Ça existe aussi, ouais. Ok, ça ouais. Se dit, d'accord. Mmh. Ok. Donc, communément français. Mais savez-vous d'où elle vient? En fait, c'est la phrénologie. C'est à la phrénologie, pardon, qu'on doit cet abus de langage. En fait, la phrénologie, c'est cette pseudo-science du 19e siècle qui établissait une relation entre la forme du cerveau et nos capacités intellectuelles. Mmh. Donc, en fait, faut imaginer que quelqu'un de très gentil ou d'honnête avait donc un crâne de forme différente à quelqu'un de méchant. Donc, imaginez le délit de faciès quand même. Ouais. Ouais. Donc, Franz Gall, médecin allemand, ah, c'est inventeur de cette... C'est pas une chanteuse. Non, c'est pas Franz Gall. Ah, ça m'était même pas venu à l'idée. Non, c'est Franz Joseph Gall. D'accord. Inventeur de cette pseudo-science, avait alors identifié le front comme le siège des nombres. Donc, de là était née la croyance qu'une bosse des maths existait vraiment et qu'on n'en était pas tous pourvus. Alors là, imaginez hein, de quoi traumatiser des milliers d'enfants devant les tables de multiplication. Mais vous l'aurez compris, ce n'est que pure affabulation due à une méconnaissance de notre cerveau. La bosse des maths n'existe pas. Ou plutôt, on a tous le sens des nombres. Ouf. Ouais. Voilà. Et en fait, je suis d'ailleurs conscient que cette affirmation peut choquer les plus récalcitrants en mathématiques. Mais c'est un fait scientifiquement démontré. On a tous le sens des maths. Alors, même on partage moi d'ailleurs. Ouais, même toi, Alan. Bon, je me réjouis que tu nous démontres tout ça. Tu es un sceptique parmi nous. On partage d'ailleurs ce sens avec de nombreux animaux, en fait. Ce qui prouverait l'existence d'une aire cérébrale dédiée et qui serait très, très ancienne. Alors, en effet, on va prendre par exemple les poissons. Alors, vous vous demandez, bien sûr, comment on a pu démontrer qu'ils savaient compter. En fait, c'est très simple. Le protocole est le suivant. Les poissons sont des animaux sociaux. Donc, ils ont l'habitude de se déplacer en banc, en groupe, pour se protéger des prédateurs. On a donc tout simplement placé un de ces poissons dans un aquarium, avec de chaque côté de la vitre, deux bandes de taille différentes. Et systématiquement, le cobaye allait vers le banc contenant le plus de ses congénères. Donc, bien sûr, après s'être assuré qu'aucun autre facteur que le nombre ne pouvait influer sur la décision du poisson, ça a alors confirmé que le poisson savait compter. Ingénieux, hein, quand même. Bon, ouais, c'est pas mal. Compter, je me demande comment on a pu garantir. Oui, tu fais bien de souligner ça. C'est pas vraiment compter. Mais bien sûr, le poisson, il peut distinguer 12 poissons, la différence entre 12 poissons et 22 poissons. Ouais, c'est ça. Par contre, il est bien plus difficile pour lui de choisir entre 12 et 13 de ses congénères. Voilà, ouais. Ça, c'est une capacité qu'on appelle la capacité à discerner avec précision les quantités. On appelle ça l'acuité numérique. Et chez l'homme, cette acuité se développe au cours de la petite enfance. Elle est d'ailleurs grandement facilitée par notre culture numérique. En effet, franchement, si savoir évaluer les quantités, c'est indéniablement un atout, un plus pour survivre, nous avons développé un système numérique qui permet de précisément distinguer chaque nombre. Donc, grâce aux chiffres, plus de difficultés à discerner, par exemple, les nombres de 1934 et de 1935. Bien sûr, c'est quelque chose qui est absolument impossible aux animaux. Et ça, c'est grâce à notre culture, cette culture numérique des nombres, des chiffres. Mmh. Enfin, c'est facile, mais ça dépend pour qui. Si vous vous rappelez bien, donc je vous ai dit qu'on avait tous le sens des nombres. En fait, ce n'est pas entièrement vrai. C'est comme sa cousine, la dyslexie pour les lettres. Il existe bel et bien la dyscalculie pour les nombres. D'accord. La dyscalculie. Et donc, malheureusement, ce trouble est bien moins compris que la dyslexie. Il y a eu beaucoup moins de recherches, on sait beaucoup moins de choses dessus. Toutefois, il n'en est pas moins fréquent. Et c'est ça le malheur, quoi. Et pour vous donner une petite idée de ce qui se passe, en voici quelques symptômes que j'ai pris sur la page Wikipédia. Alors, difficulté à comprendre le concept du temps et à estimer le temps qui passe, la personne dyscalculique est souvent en retard ou en avance. Difficulté, bien sûr, avec les tables de multiplication, de soustraction, d'addition, de division et de calcul mental. Et quelque chose que j'apparenterais quasiment à la dyslexie, mais vraiment pour les nombres, c'est incapacité à lire une suite de nombres ou à l'inverser lorsqu'il la répète, comme dire 56 au lieu de 65. Ah ouais, marrant. Donc là, c'est la dyscalculie. Ok. Heureusement, bien sûr, la recherche avance, hein, notamment en France. Et d'ailleurs, l'INSERM a développé un logiciel qui s'appelle la course au nombre, qui est un logiciel totalement open source, dont je vous mettrai le lien bien sûr dans le dossier, et qui permet d'améliorer la condition des petites dyscalculies qui ont entre 4 et 8 ans. En fait, il faut vraiment faire un diagnostic assez tôt, et après, ça se traite plus ou moins bien, un peu comme la dyslexie. Et C'est plus ou moins facile à corriger à cet âge-là, c'est ça? Oui, c'est plus facile à corriger à cet âge-là. Donc, ils peuvent pas vraiment corriger, mais le compenser. Et tu penses que ce logiciel peut être utilisé simplement par des parents ou faut aller chez un spécialiste quand même? Non, non, enfin, normalement, la dyscalculie est détectée par les orthophonistes. Mais on peut. Ça, c'est pas vraiment un logiciel qui est fait pour diagnostiquer. C'est plutôt un logiciel qui est fait pour faire travailler l'enfant, enfin, le faire jouer, pour qu'il appréhende de manière un peu plus ludique les nombres. D'accord. Tu sais, pour diagnostiquer, il faut peut-être vraiment aller voir un orthophoniste. Mais il y a quand même des trucs qui ne trompent pas. Par exemple, un enfant qui ne sait pas faire la différence, qui ne sait pas s'il y a plus de pommes dans un panier à 12 pommes que dans un panier à 18 pommes, tu vois, c'est qu'il peut peut-être avoir de la dyscalculie. C'est vraiment cette acuité numérique qui est anormale chez ces enfants dyscalculiques. Voilà. Donc maintenant, on va s'intéresser à comment le sens des nombres apparaît dans notre cerveau. Donc grâce à l'imagerie médicale, on a pu constater que des circuits neuronaux situés dans les deux hémisphères s'activaient lorsqu'on manipulait ces nombres. Plus fort encore, on a pu voir que les circuits étaient spécifiques à des nombres donnés. Par exemple, si vous pensez au nombre 3, il y aura des zones uniques de votre cerveau qui vont s'activer et qui ne le seront pas à l'évocation du nombre 4. Et, Wow, ah, en c'est fait, flippant. ce sont on appelle ça les neurones des nombres. Et autre chose épatante, ces neurones des nombres sont entourés de neurones qui sont, eux, liés à la représentation dans l'espace. Donc, vous allez voir, cette relation entre nombre et espace est vraiment fascinante. Et c'est elle qui nous a permis, qui nous permet toujours de réellement appréhender les mathématiques. Là, je ne parle plus des nombres, mais vraiment des mathématiques. En effet, par exemple, on a tous cette représentation de la ligne numérique. En fait, les nombres, pour nous, sont comme sur une flèche, avec les petits à gauche et les grands à droite. Non? Enfin, normalement. Ouais. Ouais, non, non. En fait, cette représentation spatiale, on peut très bien la voir. Imaginez que, en fait, un petit protocole qui a été fait en France, dans un laboratoire, imaginez, on vous met dans le noir, donc vous avez les yeux ouverts comme ça, et on vous demande de penser à un nombre grand. Ben, en fait, vos yeux, inconsciemment dans le noir, vont se déplacer vers la droite. Très, C'est c'est marrant. bien le fait qu'ils se déplacent sur cette ligne numérique. Et donc, ça marche aussi pour les additions. Donc, quand on fait des additions, on regarde plus vers la droite, alors que a priori, quand on fait des soustractions, on regarde plus vers la gauche, vu que les nombres s'abaissent, Mais décroissent. ça, c'est juste une question de convention, parce qu'on nous a enseigné petit en mathématiques, on nous a dessiné une droite avec les chiffres positifs qui vont vers la Oui, en droite. fait, c'était une façon de. En fait, pour appréhender les mathématiques, c'est un peu comme appréhender la lecture, tu vois. On a eu besoin d'avoir d'une représentation. La lecture, on a eu besoin d'avoir une représentation des formes. Là, on a besoin d'avoir une représentation spatiale. Et tu vas voir, ça va faire plus de sens avec un concept qui n'existe pas dans la nature. Parce que les nombres positifs, concrets, ben, ça existe dans la nature. On peut compter trois chèvres, six arbres, tout ça. Mais le combat était bien plus difficile pour, par exemple, les nombres négatifs. Les nombres négatifs, il faut savoir que ça, c'est facile maintenant pour nous. Il suffit juste de les représenter à gauche de notre ligne numérique, vous êtes d'accord? Mais en fait, il faut savoir que ça a été une grande bataille entre les mathématiciens de génie. Et c'est, pour la petite histoire, ces nombres négatifs n'ont été communément acceptés qu'au début du 19e siècle. En fait, avant, ben, on pensait que ces nombres absurdes, irréels, on ne pouvait pas les concevoir. Ouais. Vous voyez? Et c'est grâce. Mais on s'en servait en mathématiques quand même, non, avant le 19e siècle. Oui, on s'en servait, mais à titre, comment on va dire, plutôt sporadique. On s'en servait plus pour par exemple, des exposants, tout ça, jamais vraiment pour faire des additions, des soustractions. Non, sincèrement, Et je c'est une pense qu'il y avait explication. différentes écoles, il y avait certaines écoles qui les utilisaient et Oui, d'autres pas. bien sûr. Après, il y a des avant-gardistes, bien sûr, mais je veux dire, accepté par la population, tout le monde, il a fallu attendre un grand moment. Et c'est assez génial parce que tous les enfants, maintenant, ben, vivent ce tournant à chaque fois. À chaque fois qu'ils apprennent les nombres, à chaque fois qu'ils font de l'apprentissage des mathématiques, ils luttent contre leur cerveau grâce à cette représentation spatiale pour essayer d'appréhender le concept de nombre négatif, par exemple. Là, j'ai parlé de nombre négatif, mais il y a encore beaucoup, par exemple, en primaire, même au collège, qui ne pensent pas que les fractions sont des nombres. Vous voyez le truc? Ouais. Et en fait, les fractions, ben, il faut bien les représenter spatialement, c'est un camembert, quoi. Il y a un nombre de parts. Après, il y a les nombres plus complexes, les nombres complexes, imaginaires, qui eux sont bien plus difficiles à représenter spatialement, mais on y arrive très bien. En fait, c'est un plan. C'est deux dimensions. Oui, c'est deux dimensions, voilà. Et donc, en fait, c'est des concepts qui n'existent pas et qu'on a, en contrepartie, on a formé notre cerveau pour pouvoir les appréhender. Vous voyez? Ouais. Et c'est grâce à vraiment cette relation entre représentation spatiale et nombre. Mais ah oui, là pour finir, en fait, j'ai commencé ce dossier par casser le mythe de la bosse des maths. Je vais finir en brisant une autre légende urbaine sur les mathématiques. En fait, quoi qu'on vous dise, il n'y a pas de différence génétique et physiologique dans l'appréhension des mathématiques pour les hommes et pour les femmes. En fait, c'est tout simplement une idée reçue qui est vraiment tenace. Bien sûr, si dès le plus jeune âge, on vous dit que de toute façon, ben, vous serez mauvais en maths, ben, en fait, vous finissez fatalement par le devenir réellement, en fait. C'est vraiment la faute à ce stéréotype, sexuel. Voilà. Ah, c'est vrai, c'est terriblement triste d'ailleurs. Il y a tellement de filles qui sont convaincues qu'elles sont nulles en maths parce qu'on leur a asséné depuis le plus jeune âge. Ouais, C'est pathétique cette histoire. Et c'est ça. En plus, pour tout vous dire, pour tout vous avouer, moi, quand j'étais en primaire, alors j'avais énormément de mal avec les mathématiques, en fait. Pour moi, les droites parallèles, perpendiculaires, je me rappelle avoir eu des notes catastrophiques. Et ben, en fait, c'est juste, après, il faut trouver la manière de l'apprendre et tout ça, de façon plus ludique et tout. Et après, ça va très bien. Maintenant, non, je fais des études dans ce domaine-là, donc Tu c'est bien penses la que preuve que c'était à rien n'est cause vrai. de la méthode d'enseignement qui n'était pas appropriée pour te faire aimer les maths ou Ouais, te faire comprendre? je pense que ça a évolué, mais parce que là, je suis vraiment en contact avec des professeurs de mathématiques. Et déjà, rien que la différence entre le programme quand j'étais au lycée et le programme enfin, quand j'étais au collège plutôt, et le programme, donc ça fait ouais, une dizaine d'années, et le programme enseigné maintenant au collège, ça a absolument rien à voir et c'est bien mieux, quoi. Il y a beaucoup plus de concret, il y a beaucoup moins de. En fait, on part d'un exemple concret, d'un problème, et on essaie de résoudre avec des outils qu'on n'a pas. Et en fait, on essaie de. Donc après, on amène des nouveaux outils qu'on utilise de suite pour après formaliser avec des règles. Chose qu'on ne faisait pas avant. Avant, c'était vraiment. T'apprenais une règle, et après, si tu avais le temps, tu faisais des exercices. Donc, ouais. Je pense que les méthodes pédagogiques ont bien évolué, hein, et ont bien Oui, avancé de toute justement façon. pour l'enseignement des maths. Oui. Bon, après, il y a toujours l'éternel débat du fait que ben, en mathématiques, on enlève toujours de plus en plus d'heures de mathématiques. Et ce qui, au grand dam des grands mathématiciens, ben, français, par exemple. Mais la pédagogie, elle est liée aussi au fait qu'on connaît de plus en plus notre cerveau au niveau mathématique, pour la cognition numérique. On faisait beaucoup pour la dyslexie, pour l'apprentissage des langues et tout ça. Mais en fait, au niveau mathématique, ben, en fait, on essaye de rattraper maintenant ce retard, mais il est encore présent, quoi. Et Dieu sait comme il a traumatisé bon nombre de personnes. Autour de moi, à chaque fois que je parle que je suis en mathématiques et tout ça, ben, il y a trois quarts qui me regardent horrifié, quoi. Ils font, non, tu fais ça de ta vie et tout. Donc, ouais, les maths, c'est cool. Voilà pour ce petit dossier sur les nombres. Eh ben, Toi, vas-y. excellent, je suis rassuré que tout le monde est prédisposé à maîtriser et apprendre les maths. En tout cas, ça, c'est une bonne nouvelle. Ouais, après, il faut juste passer le cliché, quoi. En fait, mais en fait, comme ceux qui vont écouter le podcast La tête au carré sur la bosse des maths, comme le dit si bien l'intervenant, il dit en plus, ce qui l'agace par-dessus tout, c'est les milieux littéraires. C'est les grands littéraires qui se disent. En fait, ça fait presque bien, hype d'avoir été nul en maths quand t'es un littéraire, tu Oui, de le vois. dire et de le dire et de le proclamer. Et de le proclamer, de dire oui, moi j'étais nul en maths. Genre, ça fait un peu oui, ben, mon cerveau il est étudié, il est aiguisé pour les langues. Ça me sidère. Pourtant, les maths, c'est beau, ça a une composante de beauté, quand Oui, c'est bien mais formulé, justement. moi, ça m'a Mais toujours justement, c'est ça le impressionné. problème. C'est beau, mais en fait, on ne montre pas assez cette beauté des mathématiques par rapport à la beauté de la littérature, par exemple. Oui, hein. Il faut en montrer ça. Donc voilà. Bah, après, c'est les générations futures. Hein. Ça Ouais. viendra. Et on joue pour, je pense. On joue pour. Allez, les podcasts science. Sans doute. En tout cas, moi, je suis très heureux d'apprendre qu'il y a des changements dans la pédagogie. Parce que c'est vrai que ouais, les maths sont c'est merveilleux, c'est fascinant, mais quand c'est asséné sous forme de règles, sans aucun sens, sans aucune utilité, comme ça, Oui, c'est vite dégoûtant, quoi. Donc ouais, top. Top d'apprendre qu'il y a des progrès de ce côté-là. Bon, il y a des progrès en France, j'imagine. Dans l'école vaudoise en mutation, c'est encore une autre paire de manches. Mais ça viendra. ça Bon, viendra. là, ce que tu dis, Antoine, à travers ton dossier, finalement, c'est les neurosciences qui ont fait un peu avancer aussi Ouais. cette Oui, perception des mathématiques ouais. qu'on peut avoir. Bah oui, c'est ça, c'est absolument ça. Les neurosciences étaient vraiment beaucoup appliquées au. C'était beaucoup intéressé aux langues, tout ça, et là, ça commence à venir avec les nombres. C'est bien. Très bien, on se réjouit de tout ça. Ouais, Alors, deuxième sujet du podcast, Alan, les bactériophages. Non, alors là, je suis intrigué, tu vas nous expliquer ce que c'est. ben là, on est loin de la beauté parfaite des mathématiques. Donc ouais, c'est un petit dossier sur les bactériophages qu'on appelle phages également et dont je me demande s'ils pourront constituer le futur des antibiotiques. Donc si on plaçait infection nosocomiale dans une conversation il y a 10 ou 20 ans, ben on passait presque forcément pour un extraterrestre pédant, voire pour un fou dans le meilleur des cas. Aujourd'hui, malheureusement, tout le monde ou presque sait ce qu'est une infection nosocomiale. C'est une infection par un germe qu'on attrape, entre guillemets, à l'hôpital. C'est-à-dire qu'on y entre avec une maladie, puis on en ressort avec une autre. Bon, heureusement, pas systématiquement, hein. Mais ça, c'est dû à la résistance de plus en plus efficace des bactéries face aux antibiotiques. D'ailleurs, pas plus tard que le mois dernier, en février, le service de chirurgie de l'hôpital de la Broye, en Suisse, puis le prestigieux centre universitaire hospitalier vaudois, le CHUV, à Lausanne, toujours en Suisse, ont été touchés par une bactérie contagieuse résistante à l'un des derniers antibiotiques qui fonctionnait encore jusque-là, la vancomycine. Idem à Marseille, en France, où la terrible bactérie Acinetobacter baumannii, résistante à tous les antibiotiques, découverte pour la première fois en 2001, a fait un fracassant retour chez un patient hospitalisé à l'assistance publique des hôpitaux de Marseille, comme nous le rappelait récemment un article de Futura Science. Donc, ouais, concernant les antibiotiques, je pense qu'on peut parler de la fin du miracle des antibiotiques. En fait, depuis la découverte de la pénicilline en 1928 par l'Écossais Alexander Fleming, qui en fait, loi de Stigler oblige, la découverte avait été faite 32 ans plus tôt par le Français Ernest Duchesne. Ah, tiens Mais donc, je savais pas ça. ah ouais, tu vois, encore, encore une Ah ouais, moi manifestation de cette loi contraire. j'étais persuadé que c'était vraiment lui, c'était vraiment Fleming. Ok. Ben non, en fait, Fleming a juste été le premier à comprendre le potentiel de la pénicilline pour la médecine. Il n'avait pas découvert ça par hasard en plus? Je ne sais pas si tu en parles Oui, après. oui, oui. Ouais, absolument, non, j'en parle pas, mais c'est vrai qu'il était très désordonné, Oui, c'est ça. fainéant. Il avait tendance à laisser traîner les trucs. Et puis, c'est dans le cadre d'une autre recherche qui n'avait rien à voir avec les antibiotiques qu'il a découvert l'effet de la pénicilline. Je crois que c'était. Là, il faut m'arrêter si je dis des bêtises, mais je crois que c'était des moisissures qui avaient attaqué ces boîtes de pétri Oui, c'est avec ça. qui contenaient des bactéries à l'intérieur. Ouais, Je crois que c'est je ça. crois que c'est Je crois que c'est ça, ça. ouais. Il faudra se renseigner, mais je pense que c'est ça. Donc, vas-y, Ouais. continue. Ouais, il avait tendance à pas être très ordonné, ce garçon. Et puis, effectivement, laisser traîner des trucs, finalement, parfois, ça peut avoir des avantages. Petite parenthèse juste entre deux, à propos de ces découvertes par hasard sur les scientifiques, j'ai écouté récemment un podcast sur la sérendipité. Et Ouais. justement, on débattait dans ce podcast sur jusqu'à quel point donc la sérendipité, c'est le fait de découvrir par hasard quelque chose. Enfin, justement, Ouais. dans ce podcast, on disserte un peu sur ce que c'est la sérendipité, et justement appliqué dans les recherches scientifiques et jusqu'à quel point ça a pu influencer la science ou pas. Un podcast intéressant, si je retrouve, je le mettrai sur le site aussi. Voilà, fermez la Ouais, bah parenthèse. volontiers, c'est un sujet que j'adore. Bah non, je prolonge un tout petit peu la parenthèse. Il y avait le livre formidable d'ailleurs de Nicolas Taleb Nassim, publié il y a quelques années, Le Black Swan, qui a été traduit d'ailleurs maintenant, on le trouve, le signe noir, qui démontre en fait que toutes les grandes avancées de l'humanité sont arrivées pratiquement par hasard et de manière complètement imprévisible. Ça porte justement sur la sérendipité. Enfin, c'est absolument passionnant. Puis ouais, alors si tu arrives à retrouver ce podcast, je suis preneur. D'accord. Pareil, Ouais, ouais. je le C'est un rechercherai, sujet ouais. que j'adore. Volontiers. Donc, ouais, depuis 1928, la pénicilline d'abord et puis les antibiotiques en général ont fait des miracles, ont sauvé des vies, des millions de vies. En 1900, la pneumonie, la tuberculose, la gastro-entérite et la diphtérie étaient à elles seules la cause d'un tiers de la mortalité humaine. Et puis tout ça, grâce aux antibiotiques, a été pratiquement complètement éradiqué. Mais bon, le miracle a ses limites. Les bactéries se sont adaptées par les mécanismes de l'évolution aux environnements les plus improbables et les plus inhospitaliers depuis. Les spécialistes ne s'accordent pas sur la durée exacte. Est-ce que c'est 2,5 ou 3,5 milliards d'années? Enfin, toujours est-il que ça fait des milliards d'années que les bactéries sont là et qu'elles s'adaptent à tout. Donc, c'est évidemment pas quelques champignons habilement manipulés par l'homme pendant quelques dizaines d'années qui allaient stopper le mouvement, quoi. Nos moyens sont dérisoires à cette échelle-là, d'autant plus que si la recherche sur les antibiotiques était extrêmement prolifique à ses débuts, bah les laboratoires ont de plus en plus de mal à sortir des nouvelles classes d'antibiotiques. Entre 1935 et 1968, on découvrait une nouvelle classe tous les 3 ans en moyenne. On n'en a en revanche découvert aucune entre 1968 et 2000, soit 32 ans. Oula. Ouais, et encore, selon un article du Times de l'année dernière, évidemment qui sera cliquable dans la page du dossier, qui relayait l'annonce de la découverte d'une nouvelle classe d'antibiotiques à fin 2009, la dernière découverte d'une classe d'antibiotiques remontait à 1962. Toutes les autres découvertes en étaient dérivées. Attends, Alan, qu'est-ce que tu entends par classe, en fait? C'est un flûte, j'ai plus le mot sur le bout de la langue. C'est une question de taxonomie en fait. La classe, c'est un groupe D'accord. d'antibiotiques, c'est une famille d'antibiotiques. Ok. Voilà, donc on n'avait pas découvert de nouvelles familles. On a découvert de nouvelles molécules qui faisaient partie de la même famille. Donc d'un côté, on a 90, 90 ans de recherche, dont 50 passés à pédaler dans la choucroute. Et puis de l'autre, ben, plusieurs milliards d'années d'adaptation selon les mécanismes de la sélection naturelle. Donc, à votre avis, qui a le plus de chances de gagner la bataille? Ah, c'est bactérien. Il n'y a pas photo. Bon, les recherches sur les antibiotiques continuent, évidemment, il faut qu'elles continuent. On n'est pas du tout prêt à nous en passer. Mais là, il commence à être temps, gentiment, de commencer à réfléchir à des alternatives. Donc, vous n'avez jamais entendu parler des bactériophages ou de la phagothérapie encore? Non. Ouais, je connais la phagocytose. Ah, rien à voir. Ouais, mais ça n'a rien à voir. Ok. Ok, bah on va commencer par poser le décor. Alors les bactériophages, c'est quoi? J'ai appelé notre ami Wikipédia à la rescousse, qui nous dit que un bactériophage ou phage est un virus n'infectant que des bactéries. En grec, phageton signifie nourriture, consommation. On les appelle également virus bactériens. Ce sont des outils fondamentaux de recherche et d'études en génétique moléculaire. Les bactériophages servent entre autres de vecteurs de clonage de gènes. Les bactériophages sont présents dans l'ensemble de la biosphère. En effet, ils sont présents partout, mais en quantité plus importante dans les excréments, le sol et les eaux d'égout. En d'autres termes, là où il y a des bactéries, quoi. La découverte des bactériophages se fait en 1915, par Frédéric Twort à Londres, qui remarque que des colonies de micrococques prenaient parfois un aspect vitreux, dû à une destruction des cellules bactériennes, et que cette caractéristique était transmissible à des colonies normales par simple contact. Puis, Félix Derelle fait la même observation dans des selles de malades atteints de dysenterie bacillaire, maladie du côlon. Le support génomique des bactériophages peut être un ADN ou un ARN. Alors bon, on arrête là la citation, on résume. Un bactériophage est un virus qui ne s'attaque qu'aux bactéries. Donc on voit tout de suite en quoi ça peut être intéressant dans la lutte contre les bactéries. D'ailleurs, historiquement, jusqu'à la découverte des propriétés antibiotiques de la pénicilline par Fleming, les recherches dans la lutte contre les germes infectieux portaient plutôt sur les bactériophages. Mais c'est un volet qui a été complètement abandonné aux États-Unis et en Europe occidentale, tant la piste des antibiotiques était beaucoup plus prometteuse à l'époque. Et puis, on a un petit peu oublié de s'y remettre. Alors, ce ne serait pas du tout bête de s'y intéresser de plus près. Alors, on va parler un petit peu de phagothérapie. Mais pour commencer, on va suivre une histoire vraie que j'ai dénichée sur le site du magazine Popular Science, du magazine Popular Science, donc popsy.com. J'ouvre les guillemets. J'adore la manière dont il raconte les histoires. Je trouve ça très parlant. Donc, cela n'avait l'air de rien au prime abord. De prime abord, la tache rouge apparue sur la cuisse de Roy Brilon aurait pu être une morsure d'araignée. Mais les semaines passant, la tache n'a cessé de grandir. En décembre 2004, la petite bosse aux airs innocents était devenue une plaie ouverte de la taille de la palme de sa main. Le médecin de Brilon, Randy Walcott, lui a prescrit successivement tous les antibiotiques qu'il connaissait pour traiter l'infection. Mais la lésion ne faisait que s'aggraver. C'était vraiment terrible, dit Brilon, un peintre en bâtiment retraité de 62 ans de Lubbock, au Texas. J'ai dû arrêter le travail parce que je ne pouvais plus monter sur des échelles. Brilon avait le sentiment de se faire littéralement dévorer de l'intérieur. Et c'est effectivement ce qui était en train de se passer. Si on ne parvient pas à les maîtriser, des bactéries comme les streptocoques ou les staphylocoques dévorent les tissus mous environnants pour se maintenir en vie, creusant un peu plus la plaie chaque jour avec une efficacité terrifiante. La douleur était insupportable et même la morphine n'y faisait plus rien. Walcott, le médecin donc, connaissait bien le pronostic pour les patients souffrant d'une infection résistante aux antibiotiques comme celle de Brilon. La gangrène, l'amputation, puis pour quelques 100 000 Américains chaque année, la mort. Walcott ne supportait plus cette barbarie et dévorait toutes les revues médicales qui lui tombaient sous la main pour essayer de trouver quelque chose, n'importe quoi de plus efficace contre ce type d'infection. Lorsque Brilon se présenta à son rendez-vous de suivi, 3 semaines plus tard, Walcott entra dans la pièce avec une pipette dans une main et une fiole de liquide dans l'autre, liquide qui ressemblait à s'y méprendre à l'eau d'un étang. Walcott tenait en fait dans sa main le quelque chose, le n'importe quoi de plus efficace qu'il était prêt à tenter, une mixture dégoûtante de virus mangeurs de bactéries, des bactériophages. Voilà, le décor est posé. J'adore cette manière de raconter les histoires. Moi, c'est un roman. Hein. Ah ouais? Là, vous êtes tenu en haleine, j'espère. Ouais, attends, on boit tes paroles. Là. Walcott expliqua à Brilon que les médecins d'Europe de l'Est utilisaient les bactériophages ou phages sans risque depuis les années 1920 pour soigner les affections contre lesquelles les antibiotiques ne pouvaient plus rien, de la tuberculose aux plaies infectées ouvertes comme la sienne. Même les groupes pharmaceutiques américains les vendaient jusqu'au début des années 40. Mais la pénicilline, plus efficace, plus propre et plus rentable, a fini par être préférée et généralisée. Ces virus ne vont peut-être pas aider, s'est dit Walcott, mais s'ils ne font pas de mal, pourquoi ne pas essayer? Alors, ce ne fut pas difficile de convaincre Brilon, le patient. Par contre, convaincre la FDA, la Food and Drug Administration, l'autorité de régulation des denrées alimentaires et des médicaments aux États-Unis, était une autre histoire. Depuis 1963, chaque médicament vendu sur le territoire américain est soumis à un processus très strict d'approbation, et la phagothérapie, c'est-à-dire le traitement via des bactériophages, n'ayant pas encore été soumise à ce processus, Walcott a dû convaincre les instances compétentes de son État de l'autoriser à administrer le traitement aux seuls patients pour lesquels toutes les autres options avaient échoué. Ensuite, comme on ne trouve pas de bactériophages dans les pharmacies, dans une caucasienne, Ah, la Géorgie. excuse-moi, professeur Fon, mais ça a coupé de mon côté, là, juste là, la Ah, fin de ta flûte. phrase. On était à fond là. Donc, oui, je disais, comme on ne trouve pas de bactériophages dans les pharmacies américaines, ni françaises, ni suisses d'ailleurs, il a dû se rendre jusque dans une ex-république soviétique caucasienne, la Géorgie, pour trouver les précieuses bébêtes. Et là, on les trouve en vente libre, comme des collyres ou des sprays nasaux. Donc, Wolcott s'en est procuré 3 bouteilles en verre pour 2 dollars chacune, contenant toutes des centaines de types de bactériophages. Le hic, c'est que l'une des caractéristiques qui rend les bactériophages si efficaces, c'est leur capacité à changer de forme, ce qui n'aide pas à soigner leur réputation auprès des autorités de régulation américaines, évidemment. Et bien qu'aucun effet secondaire n'ait été constaté en lien avec leur mutation, les bactériophages ne se trouvent pas naturellement dans le corps humain et on a peur qu'ils puissent échanger des gènes avec d'autres micro-organismes et affecter d'une manière ou d'une autre le système immunitaire. Donc, il est impossible de prévoir comment les bactériophages vont se comporter et évoluer en fonction de leur exposition à telle ou telle bactérie. Pour la FDA, le sérum dont Randy Wolcott allait asperger la jambe de son patient était nouveau et n'avait pas fait ses preuves. Mais pour les scientifiques travaillant à l'Institut Georges Eliava de bactériophages, microbiologie et virologie, pardon, à Tbilissi, en République de Géorgie, il s'agissait là d'un médicament aussi sûr que l'aspirine. Depuis 1923, quand l'Institut fut fondé, les scientifiques qui y travaillent ont traité avec succès des millions de patients et ont présenté plus de 100 recherches dans des conférences internationales attestant de l'efficacité clinique de la phagothérapie. C'est tout? Demanda Brillon après que Wolcott eut fait couler quelques gouttes du liquide jaunâtre sur sa plaie. Pas grand-chose ne se produisit pendant les jours suivants et Brillon s'attendait à une nouvelle désillusion. Mais plus les jours passaient et plus la plaie rosissait, un premier îlot de peau saine fit son apparition, puis d'autres, et au final, en 3 semaines, la plaie était complètement guérie. Vous devriez prendre des photos, dit Brillon à Wolcott, ou personne ne va le croire. Le rétablissement de Brillon, nous dit l'article, fut étonnant, mais pas unique. Wolcott avait également donné sa solution de bactériophage à 10 de ses patients les plus atteints, et beaucoup d'entre eux présentèrent des résultats similaires. Bon, là, malheureusement, l'article ne nous dit pas combien, ça me gêne un peu. Mais enfin, apparemment, ça a marché sur plus d'un patient. Si les phages ont marché pour eux, se dit Wolcott, ne pourrait-il pas fonctionner également pour les millions de patients aux États-Unis vivant avec une infection résistante aux antibiotiques? Ces patients en étaient la preuve vivante, et la vraie question était, pourrait-on ou non convaincre la FDA? Alors, l'article continue, il y a le lien, si ça vous intéresse, vous pourrez le lire, mais enfin, moi, je vais fermer là les guillemets. À ma connaissance, Wolcott n'a toujours pas convaincu la FDA et Brillon avait, au moment de la rédaction de l'article en 2009, d'autres problèmes de santé indépendants de sa plaie et des phages, malheureusement. Pardon, j'ai juste un chat dans la gorge, il faut que je boive une goutte. Ouais. Voilà, alors peut-être que j'essaye de traiter mon rhume aux bactériophages. Respire bien, avale tranquillement. Ouais, On merci, est t'es trop bon. tout ouïe. Donc voilà, cette jolie histoire nous donne quand même une bonne idée du potentiel formidable de cette approche alternative. Les bactériophages sont partout dans la nature, ce seraient même les organismes les plus nombreux sur la planète. Et l'équilibre entre les phages et les bactéries, selon Wikipédia, est stable depuis des milliards d'années, alors que les phages et les bactéries, justement, évoluent dans les mêmes environnements. Partout où on trouve des bactéries, on trouve des phages. Ça laisse supposer que leurs stratégies d'évolution sont synchronisées quelque part et que les bactéries n'arrivent pas à prendre d'avance sur les bactériophages comme elles en ont pris dans leur lutte contre les antibiotiques. Donc la phagothérapie, en plus, contrairement à l'antibiothérapie, est extrêmement bien ciblée. On peut sélectionner très finement la bactérie à traiter sans rien affecter dans les alentours et sans effet secondaire. Pardon, il faut de nouveau que je fasse une petite pause tout là. Vas-y. En attendant, moi je me pose une question. Est-ce qu'il y a des bactériophages pour tout type de bactéries et tout type de pathologies qu'on peut retrouver chez l'homme? Enfin, tu as dit qu'il y avait des phages qui évoluaient en parallèle avec les bactéries, mais est-ce que tous ces phages sont utilisables pour soigner différents types de pathologies dues à des bactéries chez l'homme? Ouais, c'est une excellente question. Alors ça, je sais pas en fait, j'ai pas assez Autant de. que les antibiotiques, je veux dire, si on arrive aussi une gamme aussi large de. Je peux intervenir. Enfin, je crois que personne connaît la réponse, mais à mon avis, il doit exister quand même des bactériophages. Enfin, d'après ce qui est raconté autour, oui, il y aurait presque un bactériophage par bactérie. Donc, potentiellement, oui. En tout cas, je crois que ni toutes les bactéries existantes sont connues, ni les bactériophages, mais a priori. Il pourrait y avoir, oui. Ouais, sinon il y aurait pas d'équilibre, je pense, entre la population des phages et des bactéries. Ouais, mais je vais voir si tous ces phages sont applicables pour soigner l'homme, peut-être. Mais ça, c'est justement des questions. Enfin, c'est plus complexe que ça. Après, je dirais la question, parce que je sais pas. Peut-être que j'en parle après. Je laisse finir Alan. D'accord. Ouais, ça marche. Moi, oui. J'ai coupé mon micro 2 minutes, j'ai fini de tousser. Oh. Merci pour la petite pause, bienvenue. Donc voilà, on peut se demander si on a affaire à une panacée, si on a enfin trouvé le remède miracle. Je dirais pas forcément. En fait, les législations vont mettre du temps à s'adapter. Parce que réglementer l'utilisation d'un organisme vivant en perpétuelle mutation est un véritable casse-tête technico-administratif. Et puis, il y a pas mal de problèmes éthiques apparemment insolubles qui sont également à mentionner. Donc, comme on l'a vu dans l'exemple de Walcott et de son patient Brilon, on expérimente sur des sujets humains. Alors certes, condamné la médecine traditionnelle qui montre ses limites dans ces cas-là, mais sujet humain quand même, quoi. D'autre part, on ne sait pas trop dans quelles conditions les recherches soviétiques ont été conduites. Et puis, il faut savoir aussi que les bactériophages sont utilisés dans un autre contexte, celui de la thérapie génique. Donc, ils ont la capacité d'utiliser la bactérie attaquée pour répliquer leur propre matériel génétique. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils attaquent les bactéries, c'est comme ça qu'ils sont si efficaces dans leur lutte. Et dans le cadre des thérapies géniques, on se sert des bactériophages comme des véritables seringues à ADN. Donc énormément d'espoirs sont placés dans ces recherches. On peut déjà imaginer qu'énormément de business risque d'en découler. Pour la petite histoire, lorsque le très controversé Craig Venter a annoncé avoir mis au point l'année dernière la première cellule vivante dont l'ADN plus ou moins synthétique, qui contenait entre autres des citations littéraires, c'est avec un bactériophage qu'il avait transféré l'ADN. Bon, et enfin, je me demande si on risque pas de finir par reproduire avec les bactériophages exactement les mêmes âneries qu'on a faites et qu'on continue de faire avec les antibiotiques. Il faut savoir que jusqu'en 1999, en Europe, on gavait préventivement les animaux d'élevage en batterie d'antibiotiques, tellement leurs conditions épouvantables les exposent aux maladies. Bon, la pratique est désormais interdite, mais rien que pour la France, en 2009, plus de 1000 tonnes d'antibiotiques ont été vendues pour soutenir la production animale. J'ai trouvé sur le sujet un excellent article du Point, évidemment que je mettrai en lien dans le dossier. Donc voilà, si on fait les mêmes conneries avec les phages au nom de la rentabilité de l'élevage animal que ce qu'on a fait avec les antibiotiques, je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge en termes de lutte contre les bactéries. Mais je me réjouis d'entendre la perspective de vrais scientifiques de l'IA sur la question. Et là, je me tais, je te passe la parole. Oui, non, tu peux intervenir. Hein. Ça, c'est... je ne veux pas que vous teniez, au contraire. Oui, tu as vraiment bien résumé, je trouve déjà. Enfin, j'ai trouvé pas mal d'informations qui se rejoignent avec ce que tu as déjà dit. Je voudrais quand même revenir sur certains points. Déjà souligner ce que tu disais, que ces thérapies sont quand même déjà utilisées. Donc c'est vrai qu'elles sont peu connues parce qu'on parle que des antibiotiques pour lutter contre les bactéries infectieuses, mais en fait c'est des thérapies qui sont déjà bien utilisées. Et ça, c'est à mon avis, c'est intéressant parce que je crois que du moment où on voudra vraiment comprendre si ces bactériophages ont vraiment un potentiel thérapeutique, il y a déjà quelque part des cobayes humains qui ont été cobayes peut-être malgré eux, mais en tout cas l'étude a déjà été effectuée. Bon, les données sont n'ont pas l'air si claires. C'est vrai qu'il y a peut-être du flou sur ces recherches, mais en tout cas, c'est des recherches qui sont... Enfin, l'utilisation est déjà un acte, c'est déjà quelque chose qui est en train de se faire. Bon, le professeur Fon, excuse-moi, mais a dit dans son dossier que dans les pays de l'Est de l'Europe, c'est utilisé depuis très longtemps, en fait. Oui, mais c'est utilisé depuis très longtemps, mais il y a même des cliniques, enfin, je veux dire, c'est quelque chose de recurrent. Ouais. Donc, quelque part, c'est un peu, ce que je trouve flou sur le sujet, c'est que, quelque part, on sait pas trop si ça marche au niveau de la recherche, enfin, au niveau académique, on se dit qu'on sait pas si c'est quelque chose utilisé dans plusieurs pays. Donc, c'est un peu flou. C'est quelque chose, je crois que c'est un sujet de recherche qui est vraiment très intéressant et ouvert parce que je crois que comme tu as souligné avant, il faut une alternative aussi aux antibiotiques. Donc, c'est quelque chose qui va être, je pense, de plus en plus en vogue maintenant au niveau de la recherche. Moi, je pense le côté intéressant de ce sujet, c'est que quelque part, on parle de virus qui ne sont pas les méchants pour une fois, mais qui sont des virus bons, qui soignent, parce qu'ils attaquent quelque part des bactéries mauvaises. Puis moi, je trouve que c'est vraiment très intéressant ce côté méchant, mauvais, parce que quelque part, on se rend compte que, encore une fois, que c'est relatif, parce que qui est méchant pour qui, finalement. Ah ouais. Et, donc, ça, c'est, je dirais, c'est un aspect un peu comme ça philosophique derrière, mais que quelque part cache aussi l'aspect vrai scientifique, dans le sens que pour qu'une phagothérapie soit efficace, ben justement, il faut que disons que pour nous, vu qu'on regarde d'un point de vue humain, il faut que le virus ne soit pas dangereux du tout pour nous et qu'il soit par contre très toxique pour la bactérie qui nous fait du mal, mais qu'il soit vraiment spécifique pour cette bactérie, qu'il n'infecte pas d'autres bactéries qui éventuellement pourraient collaborer avec nous. Donc c'est vraiment très subtil, c'est un équilibre à trouver pour que finalement on trouve un bon virus pour la bactérie méchante en question. Mmh. Et là, c'est d'un point de vue scientifique, c'est vraiment quelque chose de complexe en fait, parce que cette notion de nocif, d'un virus qui est nocif, c'est quelque chose qui peut être traité en plusieurs points, parce qu'en fait tu as dit tout à l'heure, très justement, que normalement, un bactériophage, c'est un virus qui est spécifique d'une bactérie, donc qui fait pas, qui attaque pas nos cellules, qui sont pas des bactéries. Mais, ceci dit, il pourrait y avoir quand même des effets nocifs, qui sont dus, justement, selon comme la bactériophage attaque la bactérie. La bactérie, quand elle meurt, elle peut relâcher des substances toxiques. Et puis ça peut être un point qui finalement nous donne aussi une toxicité. C'est un des points qui est très, enfin, d'après ce que j'ai vu sur les points contre la phagothérapie, justement le fait que les bactéries, quand elles sont attaquées par certains phages, elles puissent relâcher des substances nocives, c'est un point qui est vraiment contre la phagothérapie. En plus, il se peut que ces bactériophages, elles portent quand même des informations pour des protéines qui peuvent être nocifs pour nos cellules. Mmh. Donc, même si leur spécificité est celle de tuer des bactéries, elles peuvent quand même avoir des effets secondaires sur l'hôte humain, je dirais, parce que ben, finalement, il y a des effets comme ça ou via les bactéries ou même d'eux-mêmes qui peuvent altérer nos fonctions. Donc c'est pas tout à fait quelque chose de, enfin, je crois que c'est des raisons qui ont fait que quelque part ces bactériophages n'ont pas été à la place des antibiotiques, mais que c'est quand même les antibiotiques qui ont gagné le plus pour l'instant sur le marché. D'après ce que j'ai vu, il y a aussi d'autres raisons, plus peut-être politiques ou peut-être juste un peu le hasard de comment va l'histoire et la recherche. Mais bon, ça, c'est on ne va pas trop rentrer là-dedans, je crois. Mais j'aimerais quand même, ce que je trouvais vraiment intéressant au niveau de ces bactériophages, c'est certains points qu'on a déjà vu aussi pour les antibiotiques. Par exemple, tu parlais tout à l'heure de la résistance aux antibiotiques. Mmh. Eh bien, on peut aussi développer des résistances aux bactériophages. Ah. Parce que finalement, les bactéries, quand elles sont attaquées par des virus, ben, elles vont aussi s'adapter et puis devenir résistantes à ces virus aussi. Et puis, un des avantages finalement d'utiliser des bactériophages, ben, ça peut être que comme les virus, c'est quand même des êtres... Bon, sur la définition d'être vivant pour le virus, c'est juste à la limite. Mais c'est quand même des êtres qui peuvent évoluer, donc qui sont considérés vivants selon certains critères. Et donc, du coup, cette résistance que les bactéries développent serait quelque chose, serait un peu une course à une adaptation. Donc, on pourrait avoir effectivement toujours un bactériophage qui s'adapte à une bactérie qui devient résistante. Donc, ça pourrait être effectivement quelque chose d'avantageux. Donc, c'est vrai que dans la course, par rapport aux antibiotiques qui sont fixés maintenant, les bactériophages pourraient avoir ces avantages évolutifs. En plus, un autre avantage, c'est que quelque part, par rapport aux antibiotiques qui sont des substances qu'il faut produire ou extraire d'autres ou de plantes ou d'animaux ou faire produire comme je disais tout à l'heure par des champignons ou par d'autres bactéries, mais finalement les bactériophages eux ils peuvent se proliférer d'eux-mêmes grâce justement à des bactéries qu'ils infectent. Donc c'est vrai que c'est un côté plutôt qui ferait pencher la balance économique sur les bactériophages. Donc oui. Oui, juste à vous entendre tous les deux, Alain et toi, j'ai l'impression que les bactériophages, en fait, ils sont totalement à l'extérieur de nous. Mm-hmm. Enfin, pourquoi ça, en fait? Pourquoi, en fait, ces bactériophages, on n'en a pas déjà plein? Enfin, j'ai entendu dans le dossier qu'en fait, ils sont totalement à l'extérieur de notre corps. Mais qu'est-ce qui les empêche, par exemple, d'être déjà à l'intérieur, en fait? Oui, alors ça, moi, je ne dirais pas qu'ils sont à l'extérieur de nous. Il y a, comme dans notre corps, il y a plein de bactéries. Nous avons aussi des virus et je pense que nous avons aussi des virus qui attaquent des bactéries en nous. Donc, certains bactériophages sont déjà là. Mais je pense que notre corps est un écosystème lui-même, dans le sens qu'il y a... D'accord. Il y a des milliards de milliards de cellules, 10 fois plus de milliards de bactéries. On est traversé par des virus. Certains nous rendent malades, d'autres on s'en aperçoit pas. Mais c'est vrai que c'est juste. Il faut pas voir quelque chose de séparé. Disons qu'après après c'est la complexité en fait. Voilà. C'est la complexité de savoir l'écosystème. D'accord. Oui. Et puis ça me fait penser par exemple à un autre aspect. Pour lequel les antibiotiques sont quand même pourraient être plus avantageux, c'est que souvent, quand on a une infection de bactéries, on a plusieurs souches de bactéries qui nous infectent. C'est pas forcément une seule bactérie. Et puis, les antibiotiques ont un spectre d'action qui est assez large, donc ils peuvent tuer des bactéries de différents types. Alors que les bactériophages, justement, ils ont une spécificité pour un type de bactérie. Donc, c'est vrai que du coup, ça limite l'effet d'un bactériophage. Il faut faire des cocktails, là aussi, de bactériophages. C'est ce que, d'ailleurs, propose justement cette clinique en Géorgie. Ou alors, j'ai trouvé, il y a une autre clinique en Pologne. Leur site, c'est assez intéressant. Je pourrais passer le lien si vous voulez aller regarder. En fait, c'est dans cette clinique, ils disent qu'ils ont traité plus de 1500 patients. C'est une clinique qui a été créée en 2002, donc c'est assez récent. Et puis, ils parlent justement qu'ils ont plus de 300 souches de bactériophages différentes. Et ils parlent de deux bactéries qu'ils peuvent soigner le plus. Et puis, une de ces souches, là, c'est particulièrement intéressant parce que c'est une souche qui est plus étudiée. Ça s'appelle la Pseudomonas aeruginosa. Et puis, c'est une souche qui affecte essentiellement les poumons. Et puis, ça, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que dans surtout les sujets qui sont atteints de mucoviscidose, qui est une maladie génétique, puis qui affecte essentiellement les poumons, cette bactérie prolifère énormément. Et puis là, il y a une étude toute récente qui a été faite à l'Institut Pasteur à Paris, où justement, il montre comme quoi cette souche de bactéries peut être tuée par un bactériophage qu'eux, ils ont sélectionné. Et ils ont montré l'étude in vivo sur des souris. Mais voilà, ça, je crois que c'est le premier étude vraiment qui montre en efficacité. Les données sont assez frappantes sur la survie de ces souris une fois qu'elles sont traitées par ces bactériophages ou si elles ne le sont pas. Donc, quelque part dans cette clinique, en Pologne, ben finalement, ils se basent quand même, enfin, c'est pas complètement des choses comme ça qui sortent de recherches faites un peu comme ça sur des gens sans trop savoir ce qu'ils font. À mon avis, c'est, enfin, ils connaissent quand même le sujet et c'est quand même des recherches qui sont bien en cours maintenant. Donc, je pense qu'il y aura encore pas mal de recherches à faire, mais là, il y a déjà des bonnes bases comme quoi ces bactériophages ont des actions spécifiques. Bien sûr, le problème, c'est que c'est difficile à gérer vu la complexité du système. C'est un peu ce que je disais au début. Il faut arriver à trouver le bon bactériophage, alors qu'on sait que sur Terre, les bactériophages sont estimés à 10 puissance 31. Donc, c'est quelque chose d'énorme. Il faut trouver le bon bactériophage pour la bonne bactérie et aussi le bon bactériophage pour l'être humain, donc en sachant qu'il ne doit pas donner ces effets secondaires dont on parlait tout à l'heure. Et en plus, il y a encore un petit problème qui pourrait surgir, c'est que justement, comme les bactériophages et les bactéries peuvent avoir des échanges génétiques, là, c'est vrai qu'il se pourrait qu'en utilisant des Ah, excuse-moi, j'ai une petite coupure, Lia. Tu peux répéter juste ta dernière phrase? je disais qu'en fait les bactériophages, ils ont cette capacité à transférer des gènes. Donc, il y a parfois des échanges de gènes entre eux et les bactéries. Et puis, même s'il y a peut-être des bactériophages qui rentrent en contact avec nous, faire des thérapies, ça fait quand même des quantités de bactériophages qui ne seront pas naturellement en contact avec nous. Donc, il pourrait qu'on stimule des échanges de gènes. Et puis là, on ne sait pas du tout qu'est-ce qui pourrait se passer après. C'est toujours la même question du moment où on touche à la génétique, qu'est-ce qui va se passer après? Mais là, c'est des questions qui restent très ouvertes parce qu'on connaît pas encore les réponses. Mais c'est vrai que c'est des aspects, je pense, qui pourraient surgir dans des discussions comme ça d'utilisation ou pas de ces thérapies. Mais en tout cas, d'après les données actuelles, c'est vrai que ça pourrait être quelque chose de prometteur, et sans doute à étudier plus, d'après ce que j'ai vu. Bah, ça semble très prometteur, mais aussi très complexe. Oui, absolument. C'est complexe parce que c'est une interaction de plusieurs organismes vivants. avec cette notion de bon et mauvais, finalement, c'est relatif vraiment à la situation. Et il n'y a pas vraiment un virus qui est mauvais ou une bactérie qui est mauvaise. Ça dépend pour qui et où et quelle quantité. Donc, c'est vraiment des choses complexes à maîtriser. Parce que c'est plus... pour l'instant, ça marche plus au niveau empirique qu'au niveau de savoir bien comment et de le maîtriser. Parce que finalement, c'est du vivant, donc il y a plein de paramètres à maîtriser. Ouais. Ouais, là, on touche au génie moléculaire. Tout ce qui est... Tout ce oui, qui après, est, ouais. Tout ce qui est manipulation du vivant, tout ça, pour faire les choses. Mais bon, je pense que ça va s'améliorer. On va maîtriser la technique. Oui, on a confiance dans la science. Ouais. En tout cas, c'est déjà une. Je trouve que c'est déjà une alternative. On n'avait pas d'alternative sinon. Oui, oui, oui. Puis je crois que les études vont. D'après ce que j'ai vu, il y a eu vraiment un boom de ces études ces dernières années. Ça a commencé il y a une vingtaine d'années. Là, il y a pas mal d'études sur les animaux. Les études cliniques, je pense qu'ils vont là d'après ce que j'ai vu, ils sont pas tout à fait ici en Europe, mais enfin d'après ce que j'ai vu, je crois que c'était fait sur des hommes au Canada, vraiment en tant qu'étude clinique déjà. Je pense qu'ici ça allait pas encore, mais donc ça va venir sûrement. Mais bon, les entreprises pharmaceutiques vont forcément s'y mettre tôt ou tard aussi et investir dans la recherche là-dedans, j'imagine. Ouais, oui. Je pense qu'il faut qu'elles trouvent un business model encore. Ben, parce qu'avec les antibiotiques, c'était relativement simple dans la mesure où, comme Lia l'a dit, c'était des formules finies qui bougeaient plus, alors que le bactériophage, il est en perpétuelle évolution. Tu vois, comment est-ce que tu le brevettes, comment est-ce que tu le fixes à un moment donné, et puis si tu le... Oh, ils ont des bons avocats pour ça. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que c'est difficile à maîtriser parce que c'est des choses qui bougent tout le temps. Ouais. Donc c'est difficile à étudier et à maîtriser après dans la pratique, même ouais, c'est vrai qu'au niveau d'une industrie, ça doit être je sais pas, je suis pas mais ça doit être complexe quand même. Ouais. Bon, bah on verra comment ça évolue. Ouais. Mais en tout cas, ouais, c'est quelque chose que ça se fait déjà dans la nature et que apparemment ça marche. Donc ouais. On va essayer de le reproduire. On va pas s'en inspirer. Voilà, bah merci Lia. Ouais, de rien. C'est vraiment top de pouvoir avoir ce petit complément sérieux, bon complément, vraiment scientifique. Petit, c'est vrai, c'est pas un petit complément, c'est un sacré complément. En tout cas, détailler nos dossiers comme ça avec cette perspective de l'intérieur, c'est vraiment formidable. J'adore ça. J'espère que tu vas pouvoir revenir souvent. Merci. Ouais. Voilà, bon, on arrive gentiment au terme de l'émission. Là, on a de nouveau dépassé l'heure, j'ai l'impression, non? Allègrement, je crois. Ouais, ouais. Oh, ça va. Ah, peut-être pas, non. J'en suis à 1h08. Ouais. Bon, mon compteur va juste. Bon, ceci dit, on abuse de la patience de nos auditeurs parce qu'on a déjà fait un numéro spécial aujourd'hui qui a lui aussi duré 1 heure. Donc, on en est à 2 heures et quelques pour aujourd'hui. Terrible, c'est vrai, il faut qu'on abrège. Donc Mathieu, tu as une petite quote pour fermer cette émission? Oui, bah d'ailleurs, je l'ai tirée de l'autre podcast qu'on a fait aujourd'hui, donc qui est publié sur le site. On a eu un entretien avec Jean-Michel Abrassard sur le scepticisme scientifique. Et il a une formule qui m'a bien plu dans notre discussion. Alors lui, il l'appliquait au scepticisme scientifique. Moi, je la généralise un petit peu plus à la démarche scientifique, d'une manière plus générale. Je pense que ça peut aussi s'appliquer. La démarche scientifique, c'est utiliser la science comme méthode et la raison comme outil. Ah, c'est bien. C'est pas mal, mais je trouve qu'il manque un truc quand même. Il manque une dimension. Je pense que ça s'applique bien à la critique, au scepticisme scientifique, mais peut-être pas à la science. Peut-être pas à la démarche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi le point de départ, il y a l'imagination, il y a l'hypothèse. Enfin, il y a quand même une dimension créative, exactement. L'intuition, ouais, c'est vrai. qui après peut être juste ou fausse, qui va être invalidée ou pas par la méthode. Mais ça, peut-être que ça manque un peu finalement. Bon, bah Tu vois, j'essaierai c'est un peu comme si. Ouais, non, non, C'est un c'est peu vrai comme qu'il si on y a, donnait des petits critères à des écrivains quelque part. Je trouve qu'il y a. Non, c'est vrai qu'il y a une dimension créatrice dans la science. Moi, je voyais plus la démarche comme l'étape suivante à à l'aspect imaginatif ou créatif, la mise en pratique, on va dire. Bon. Mais bon, oui, j'accepte la critique, tout à fait. J'ai cassé ta côte, je suis Non, non, désolé. mais une côte est faite justement pour être débattue, et c'est très bien, c'est très bien. Mais n'oublions pas quand même voilà, il faut une méthode et puis un peu de raison pour aboutir à des bons résultats scientifiques. C'était ça un peu l'idée derrière. C'est vrai, par opposition au manque de méthode et aux croyances diverses ou Voilà, dogmes. exactement. Très bien. Excellent. Alors voilà pour Vraiment. aujourd'hui. Vraiment cool. Ben merci à tout le monde et on se retrouve la semaine prochaine. D'accord? Ça marche. Allez. Bah, bonne semaine. Bonne semaine, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao.